le bain depuis la naissance, donc on veut tout. Petite sœur, dis-moi pourquoi tu sors court vêtu. En temps de guerre, on t'emmènerait pas chez le veto. Je connais la rue, je fais du rap, j'ai du vécu. Eh, on traîne en bande à trois ou tout seul. Je sais plus où je suis, j'ai perdu ma boussole. Les coups de feu la nuit ressemblent aux lucioles. Les chemises t'entourent le checks comme si à Michael. Et dans nos checksons, c'est l'oseille ou le plomb. Parce que toute la vie, la fin pour un plat vrai pont. T'as pris des thunes, tu commences à cirer gros mon con. Depuis que t'as vu grandir, vont te la mettre dans le fion. Et c'est le feu quand un poteau est libérable. Tu payes ça à ta vendre, c'est normal. Et maman a des problèmes d'oseille. Manque de sommeil, moi mon poteau, j'en dors mal. On traîne avec jogging délavé. On s'en bat les yokou de la vie. On se rappelle même plus de la veille. Réveille-toi, regarde pas dans le vide. Moi j'ai écrit mes rêves à la craie. Les larmes de la rue l'ont effacé. Et je vis toujours avec le cœur froid. Depuis que la vengeance est glacée, on n'a pas la fève, moi mes fers mangent les peinés. Je suis dans la rue comme l'agent Ravir Peña. Et si t'as des goûts, t'as pas besoin d'être gainé. Mental de gagnant, gros, si on veut, on aura pas de place pour la mythomanie. Si j'aime pas tes manies, gros, parle pas avec moi. On a connu la zermie et les rivalités. Si tu vends plus d'une quête ploie, devant la juge caillatée. Quand la vie te tabasse, y'a pas de karaté. Jamais voulu abandonner, sème le travail et récolte la qualité. On passe nos vies à papoter, faut agir sinon maman va pas manger. Faut vivre avec le danger, faut jouer avec le feu mais sans se faire brûler. Libérez mes refrains s'il vous plaît monsieur. On sait tous que cette pute de vie nous malmène. Quand tu remplis les poches tard de shit toute beuh. Tu sais que si ça paye pas tu vendras la mouette. Et c'est pas la même, et ça me fait de la peine. En Valka tu réponds même pas aux appels. Toi les keufs te craignent parce que tu les saignes. Toi les keufs te saignent parce que tu les sèmes. C'est Rémi. J'essaye de m'en sortir, jamais vendu le mal. Les petites checks derrière Crast, on émane. La vie n'est pas rose, on veut le billet violet. Mon cœur à la maison, mes sentiments voilés. J'essaye de m'en sortir, jamais vendu le mal. Les petites checks derrière Crast, on émane. La vie n'est pas rose, on veut le billet violet. Mon cœur à la maison, mes sentiments voilés. Dans ce son, pas de refrain, je veux pas m'arrêter. Chez moi, c'est la cité, ça barre au dents vito. Coupe avec les doigts sans rien peser. La France, faut la baiser, mais avant, fait des lofts. BST qui sait pas, oh là qui va là. Maintenant, pour liquide, gros, elles font cavaler. Je respecte les femmes parce que je respecte la maman. On est des chiens méchants, on fait pas caboyer. Vécu de poissard, dis-moi qui tient le brassard. Donc, on va te porter l'œil si t'es celui qui brasse. On a cafard, fais des sous avant, j'tard. Nique tes 7 ans de malheur, c'est pour tous mes casseurs. Pris de glace sur une route bétonnée. Et quand tu béton, tout le monde fait l'étonner. Moi, j'ai traîné en bataille, qu'est-ce que tu connais? On peut suivre ta voiture si t'as la Rolex. On se rend pas compte de la pauvreté. Feu rouge, un petit lave, t'es vite teinté. Et ce mec là qui dictait son refrain. T'étais où quand j'avais 100 abonnés? Ton pote est en pépé, t'as la rebat. Et tu dis qu'un beau jour ce sera toi. Dans un hall assis sur des escaliers. Tu cherches ton feu, tu sors tout le taille des. On a pas la fève, moi mes fers, mange les pastas. Et ça saurait si l'argent on en pestait. On veut contrôler le monde, demande un peu ce quoi dans le secteur. Quand y'a embrouille, ça coupe les lumières. Pas de place pour la mythomanie. Si j'aime pas tes manies, gros, parle pas avec moi. On a connu la zermie et les rivalités. Si tu vends plus d'une quête plat, c'est Rémi.